La connexion est présentée par Nico Vidéo et Univers Informatique. Cette semaine dans La Connexion. Une amende de 220 000 $ pour téléchargement et piratage illégal de musique. Au Chili, un bébé à vendre sur Internet. Aussi, une Américaine poursuit Apple pour avoir réduit les prix du iPhone. Et protéger votre Wiimote, votre télé et vos murs, tout ça un peu tout de suite. C'est l'heure du jeu. Bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante. Et il est accompagné de la magnifique... Ah, je me vante. Oui. Caroline Cloutier, alias tout ce que vous voudrez des personnages féminins de jeux vidéo. Princess Toadstool. Ouais. L'ancien nom de Peach. Ben c'est vrai, hein? Princess Toadstool, Peach, Daisy, Cortana qu'on avait acheté l'autre fois. Qui d'autre? Je sais plus. Une fille de Final Fantasy, peut-être. Là. Ouais, mais je les connais pas. Chosebin. OK. D'accord. Bon. C'est bon. Pendant les deux prochaines heures, on va parler des choses qui vous intéressent, des choses qui vous importent le plus. Dans quelques secondes, on commence par le bloc Cybercrime. On va parler de musique piratée, une amende salée pour une Américaine et une association pour les aveugles qui gagne contre Target, la chaîne de magasins américaine. C'est vrai. Et c'est au retour. Mais avant, voici une pièce de ma tante Frac. Une lettre. Un cowboy. Dans ah, c'est fou. Chambre sans projecteur. J'écris une lettre avec mon cœur. Ce soir ma vie n'a plus de chaleur. Mes yeux n'ont plus la même couleur. Depuis que je t'ai dit bye bye, on dirait que ma vie déraille. Y'a rien que fait pour tout faire rire. La vie, j'ai pas envie de dormir. Les gens qui pensent, je ne pense pas. Les mots méchants, c'est tout ça. Y'en a tellement dans une fille. Oh ouais, c'est une love, my love. Tu vois que tout est noir autour de toi. If you forget anything, I'll kill you. In fact, you're gonna have to work very hard to spare a knife, Nick. Non, mais qu'est-ce qu'il dit celui-là? On comprend rien. Spare a knife, Nick. Oh non. Spare a knife, Nick. Oh non. Nick, reste avec moi. Ça donne des frissons sous la peau. Au fond comme des rodéos. Mais c'est moi qu'on prend au lasso. Ah, rappel. Ah, baby love, my love. Tu me fais toujours rêver. Baby love, my love. Tu me fais toujours bander. Tu n'as jamais vraiment quitté. Tu me fais toujours bander. Ma tante Frac avec Lettre à un cowboy. C'est sur le palmarès francophone de C'est fou cette semaine. C'est pas gentil, ça. Non, c'est pas gentil. Je voulais que vous l'entendiez. Maintenant, c'est l'heure de la chronique Cybercrime. Quelques nouvelles qui ont marqué le monde de la cybercriminalité, des choses qui sont complètement illégales cette semaine. Oui, c'est vrai. On parle d'une nouvelle qui a marqué quand même le domaine. La première personne à être accusée devant les tribunaux d'avoir mis en ligne des chansons illégalement vient d'être condamnée à payer une amende de 220 000 $. J'ai vu ça à la télé, oui, c'est assez salé quand même. Jamie Thomas, une mère célibataire de 30 ans, devra payer 9 250 $ par chanson pour 24 pièces qu'elle a mises en ligne illégalement. L'amende de Jamie Thomas aurait pu cependant être beaucoup plus sévère, 650 000 $ par chanson, si le jury avait estimé qu'il y avait eu violation volontaire des droits d'auteur. De plus, le jury n'a pas tenu en compte la présence sur son ordinateur de plus de 1 700 chansons téléchargées sur Internet, donc elle n'avait pas nécessairement partagé. Mm-hmm. Jamie Thomas était la première de 26 000 personnes à être poursuivie par un consortium composé par la Fédération américaine des maisons de disques, la RIA, et 6 étiquettes de disques. Bien qu'elle aurait pu conclure une entente à l'amiable avec ce consortium, la jeune femme a décidé d'embaucher un avocat pour 60 000 $ et d'aller en cours pour proclamer son innocence. Jamie Thomas a toujours affirmé qu'elle avait injustement été ciblée par la firme SafeNet, chargée par l'industrie musicale de traquer les pirates. C'est beaucoup. Penses-tu que ça pourrait arriver à n'importe qui, ou c'est juste celle qui a vraiment été malchanceuse vu qu'elle a fait une passe croche ou... Non, mais ça pourrait vraiment arriver, ouais, moi, je crois, ben, à n'importe moi, qui. Moi, hein. Ça me fait peur un peu. Sérieusement, j'aime pas ça. Penser à ça. Non, vraiment, vraiment pas. Et le téléchargement d'émissions de télé, le téléchargement de musique, de jeux, de logiciels, de films, de les chances sont de plus en plus grandes de se faire attraper. Ouais, mais de l'autre côté... Oui, il y a plus de choses à télécharger, mais il y a plus de gens qui en téléchargent aussi. Fait que, tu sais, s'il y a, je sais pas, des millions de personnes, faut comme pas que tu sois chanceux que ça tombe sur toi. C'est ça. Je sais pas s'ils viendraient chercher quelqu'un au Québec ou à Trois-Rivières, mais en tout cas, aux États-Unis, j'imagine que ça. En tout cas, je sais pas. C'est dur à dire, hein, dans ces cas-là. Faudrait avoir un expert pour nous le dire. Mais bon, faisons attention quand même. Installons des logiciels qui protègent, par exemple, comme Peer Guardian ou quelque chose du genre. Je vous dis un nom comme ça, si vous voulez aller le chercher, c'est pour vous. La chaîne de magasins américaine Target devra adapter son site web pour les aveugles, selon un juge californien, à la suite d'une poursuite intentée par la National Federation for the Blind. Le site web de Target ne serait pas compatible avec les logiciels permettant aux aveugles de naviguer sur le web, notamment en lisant le texte et certains codes HTML, identifiant notamment les images. Adaptant une disposition de la loi californienne à l'Internet, le juge a conclu que les magasins doivent rendre leur commerce accessible aux aveugles, même en ligne. Target devrait porter la cause en appel, puisque selon la compagnie de Minneapolis, son site est tout à fait légal. Ce qui est plutôt surprenant, et je cite, « Lorsqu'une compagnie est contactée par un aveugle, elle va normalement tout faire pour adapter son site », a confié à Branchez-vous quelqu'un de la Fondation pour les aveugles du Québec, préférant conserver l'anonymat. Le problème n'est généralement pas une question de mauvaise volonté, mais simplement que beaucoup de gens oublient que les aveugles consultent eux aussi le web. C'est vrai que la plupart des gens, je pense, seraient quasiment surpris d'entendre ça. Mais en pourtant, fait, c'est moi, évident. Moi, je le suis. Oui. Je comprends pas comment ça fonctionne. Ben justement, le texte et les images que tu vois sur le web ont souvent une balise qui identifie ce que veut dire l'image. Donc, les gens vont pouvoir lire le texte qui est affiché à l'écran et les balises qui identifient chaque image. Donc, j'imagine que le site de Target n'avait pas ces balises-là. Ouais, mais s'ils sont aveugles, comment ils peuvent lire les images? Ben, ils ont un appareil qui permet de synthétiser le texte en voix, un peu comme le text-to-speech dans n'importe quel. Dans Windows, par exemple, où tu peux faire lire un texte à une voix robotisée. C'est un peu la même chose. Ouais. Ou sinon, en tout cas, moi je dis ça parce que j'ai aucune idée de quoi je parle en répondant à cette question-là, mais ça ou encore le braille sur un clavier ou un appareil qui est attaché à l'ordinateur. Mais tu vois, sérieux, encore là, je suis pas un expert, mais en tout cas, c'est ce que j'imagine. Mais sérieux, j'aurais pas pensé que les aveugles allaient sur Internet. Voilà. J'aurais pas pu... je m'excuse pour les aveugles qui nous écoutent, mais j'aurais pas pensé que c'était possible. Et moi, je m'excuse de l'explication que j'ai donnée, mais si un aveugle nous écoute et utilise Internet, venez nous parler du fonctionnement de ces appareils-là, parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Les webmestres, voulant appliquer leur site adapter leur site web aux aveugles, peuvent consulter la section sur l'accessibilité du site web de l'Institut Nazareth et Louis Braille. L'article vient de PC World. Il y a aussi dans l'article, ça disait que... j'ai oublié un petit bout ici. Les compagnies ne sont pas forcément tenues d'enlever tout contenu flash de leur page, ni même d'identifier tous les liens et les images, mais la Fondation Mira, par exemple, offre tout simplement une version régulière de son site, une version adaptée aux non-voyants, aux personnes à visibilité réduite. Voilà. Le fameux site Demonoid est de retour en ligne, mais pas pour tout le monde. Après avoir été inaccessible pendant plusieurs jours, les très nombreux internautes qui fréquentaient le site Demonoid ont très certainement poussé un soupir de soulagement lorsque finalement leur site de torrent préféré est revenu en ligne. C'était le 2 octobre. En fait, pratiquement le monde entier peut y accéder, sauf les internautes canadiens. Le site a dû bloquer les adresses IP de son pays d'adoption à la suite d'une lettre des avocats de la CRIA, qui est la Canadian Record Industry Association. On en conclut donc que les quelques jours durant lesquels le site a été fermé ont servi à la mise en place d'un système de filtrage des adresses IP. Donc, depuis le 2 octobre, les internautes canadiens qui tentent d'accéder au site demonoid.com se voient plutôt dirigés vers un message expliquant le problème. Évidemment, les internautes les plus astucieux vont certainement contourner ces barrières-là avec des choses comme des proxys. Demonoid avait dû déménager au Canada après des démêlés avec le Brain, un organisme anti-piratage des Pays-Bas. Le même organisme avait été responsable de la fermeture de shareconnector.com, un important serveur du réseau eDonkey. Voilà donc Demonoid qui est de retour, sauf au Canada. C'est dommage. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent qui habitent au Canada, donc ce qu'on imagine la majorité de nos auditeurs, probablement, oui. Mm-hmm. Ben, tant pis pour vous. Et voilà. C'est un des très, très bons sites de BitTorrent. Enfin, bon. Voilà qui fait le tour de notre bloc Cybercrime. Mais avant de continuer en musique, voici le top des pages les plus vues sur GameFAQs.com, qui est une façon de tricher à vos jeux vidéo préférés. Donc, on reste dans le domaine un peu. En cinquième position, on retrouve sur PSP Monster Hunter Freedom 2. En quatrième, c'est sur PlayStation 2 qu'on retrouve Final Fantasy 12. En troisième, c'est Pokémon Diamond sur la DS. En deuxième, un jeu qu'on attend tous, en tout cas qu'on attend tous de jouer au moins, parce qu'il est déjà sorti la semaine passée, Zelda Phantom Hourglass sur la DS. Ouais, certainement. Et en première, je sais pas si vous jouez à ça et si vous trichez à ce jeu-là, parce que le bonheur de ce jeu est sûrement en jouant soi-même sans tricher. Enfin bon, c'est Halo 3 sur Xbox 360. Ça, c'est le fun de jouer tricher. Ouais, c'est ça. Mais en fait, parfois, c'est nécessaire quand c'est trop... Quand ça avance plus. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ce dont tu as besoin. What you need. Oh! C'est galactique. I got headphones, I got tempos, I got 10 toes with inbones, I got pit bulls. You hit the jackpot, man, you in the end zone. How much you wanna spend, baby, so it depends on banjo strings and sando strings, hamstrings, canto strings and couplets. Got bangos, kangos and Cadillac handles. Come back next week, I'll teach y'all to tango. No hassle, man, no haggle, come on. Ain't nothing too shameful, this is my corner, baby. Ain't no prize painful, ain't nothing changed though. But I will take you down those pennies, pounds and pesos. You want it, baby, I got it. You need it, baby, come get it. You want it, baby, I got what you need, what you need, what you need, what you need. You want it, baby, I got it. You need it, baby, come get it. You want it, baby, I got what you need, what you need, what you need, what you need. Got bow ties, bow fires, and old lighters. I got clothes, dries, all riders, and coat hangers. I got needle nose blinds, front row to the glow trotters. You buy some one liners, I'm throwing some yo mamas. Oh, no credit, no. So quiet, yeah. No violence, I told you I'm a phone, man. You break it, you buy. Come on, make me an offer, baby, buy me out. All here on the corner, right here, right now. So what you need, what you need? You want it, baby, I got it. Ouais. Galactic avec What You Need featuring Lyrics Born, ça vient de l'album From the Corner to the Block, ici à la connexion à C'est Fou 89.1 FM. Maintenant, c'est l'heure du fil informatique. Quelques nouvelles qui ont marqué le monde des ordinateurs cette semaine. Ces machines anciennement beige. Qui sont rendues maintenant de maintes et maintes couleurs. Oui, tellement jolies. Oui, blanche, noire, grise, encore des beiges, non? Ben, oui, il y en a encore un peu. Sinon, rose, vert, bleu, amusez-vous. Hein. Donc, parlons un petit peu du Japon. Le ministère japonais de l'Agriculture a réprimandé 6 employés, une enquête interne ayant montré qu'ils avaient écrit des articles pour l'encyclopédie en ligne Wikipédia pendant leurs heures de travail, dont 260 entrées consacrées aux robots d'un dessin animé. Les fonctionnaires sermonnés ont produit 408 articles sur des sujets sans aucun lien avec l'agriculture en utilisant les ordinateurs du ministère depuis 2003. L'un d'eux a rédigé 260 entrées sur Gundam, un dessin animé populaire au Japon mettant en scène des robots géants. Non, non. Les 5 autres ont écrit principalement sur des films, des erreurs typographiques sur des panneaux publicitaires et la politique locale, selon un responsable du ministère. L'enquête du ministère fait suite à de récentes allégations des médias affirmant qu'un nombre croissant de fonctionnaires contribuait à la célèbre encyclopédie sur Internet. Le ministère a réprimandé verbalement les 6 employés et a décidé d'interdire l'accès au site de Wikipédia dans ses locaux. Ils sont tannants, ces fonctionnaires. Franchement, l'article vient de la presse canadienne. Une autre nouvelle un petit peu plus insolite, un couple chilien, en fait c'est même insolite et triste un peu. Un petit peu pathétique, un petit peu, j'irais, pathétriste. Oh, pathétriste. Ouais. Un couple chilien a mis leur enfant qui naîtra bientôt en vente sur le web, rapporte l'agence France Presse. Le couple a publié son offre plutôt insolite sur le site web de petites annonces quebaranto.cl dans la rubrique des autres services. Autres services. Vente de bébés. Il y avait pas cette section. Vente de bébés, ouais. Carolina, 16 ans, et Juan, 20 ans, ont demandé en premier lieu 100 000 $ US pour leur nourrisson avant de se raviser et de le vendre pour 13 700 $. Imaginez la valeur de ton enfant, c'est 13 700 $, faut le faire. Avec l'argent, le couple a expliqué qu'il désirait s'acheter une maison et une voiture sport. L'annonce a soulevé un tollé dans les médias chiliens qui ont retrouvé le couple dans la ville de Puerto Montt, à 1000 km au sud de la capitale de Santiago. Des journalistes se sont présentés au couple comme étant des acheteurs potentiels et Carolina et Juan leur ont dit que deux autres couples étaient également venus pour faire une offre d'achat sur le nourrisson. L'idée de vendre l'enfant serait venue du frère de l'un des deux amoureux qui leur a dit que c'était une bonne façon de faire de l'argent, ben oui, tout en s'assurant de connaître les personnes qui l'auraient acheté, évidemment. Alarmé par la situation, le Service national pour les mineurs, le CNAM, a placé la jeune femme dans un centre spécialisé jusqu'à l'accouchement prévu en décembre. Mais ça n'a pas d'allure de vendre un bébé pour acheter une maison, une voiture sport. Ben oui, qu'est-ce que tu veux faire avec cette maison-là, tu sais? Il me semble, une maison, t'achètes ça quand t'as un enfant, puis tu veux, tu sais, non, je sais pas. Mais c'est comme un commerce de bébés. Oui, c'est du trafic illégal de bébés. De bébés. Fait que la femme est comme une usine de bébés. C'est ça. C'est fou. Ben, elle pourra produire des millions de bébés. C'est ça, c'est comme les chiens. Tu sais, les gens qui achètent des chiens pour les reproduire et les vendre. Ouais. C'est quoi, là? En tout cas. Puis, que voulez-vous, c'est comme ça. Pour les possesseurs, une nouvelle un petit peu plus normale, cette fois-ci, on change de registre un petit peu. Pour les possesseurs de Windows XP, le téléchargement et l'installation d'Internet Explorer 7 étaient jusqu'à présent soumis à une double validation de Windows Genuine Advantage. Donc, seuls les utilisateurs de version légitime de Windows pouvaient installer la dernière version en date d'Explorer 7, les possesseurs de version pirate étant exclus. Donc, surprise, dit l'article de Quebec.com, un an après la disponibilité initiale d'Explorer 7, Microsoft vient de changer son fusil d'épaule en mettant en ligne une nouvelle version pour Windows XP. Cette révision corrige quelques problèmes, active par défaut la barre de menu et surtout fait disparaître la validation WGA. Donc, tous ceux qui veulent Explorer 7, gâtez-vous, c'est sur le lien, en fait, sur l'article. Internet Explorer 7 s'ouvre aux pirates plus de WGA. C'est via le site de l'émission au www.unechance.com. Et voilà! C'est bien, vous allez retrouver tout là-dessus, dont la balado-diffusion de chaque émission. Absolument tout, toutes les petites merveilles discutées ici à la connexion. Ouh, des petits bijoux de l'Internet. Ouais. Cette semaine, devenue une figure incontournable de la scène musicale internationale, Radiohead inaugure une nouvelle façon de distribuer sa musique en laissant les internautes libres de s'acquitter du montant de leur choix pour acquérir son dernier album In Rainbows, proposé au téléchargement à partir du 10 octobre, donc dans 2 jours si vous écoutez en direct. arriver sur le site dédié, hein, que vous pouvez aller retrouver sur le inrainbows.com, l'internaute se voit proposer la réservation d'un coffret ou l'acquisition de la version numérique de l'album. Un clic sur cette dernière ouvre une page destinée au paiement sur laquelle ne figure aucun montant, mais un simple point d'interrogation. C'est vous qui décidez, dit-il. Donc, c'est ce qu'il vous demande. Il est également possible de demander à réserver une version coffret collector livrée début décembre et vendue pour 40 livres sterling. Pour Radiohead autofinancé, dégager des liens qui l'unissaient à sa maison de disques EMI et fort d'une notoriété planétaire, le risque est minime. D'autant que ce pavé jeté dans la mare de la distribution musicale lui vaudra sans doute un certain succès d'estime, dit l'article de Québec.com. Alors où la musique apparaît de plus en plus comme un produit jetable et dénué de valeur, cette démarche a le mérite de tenter d'apporter une réponse à la question que toute l'industrie se pose, combien le consommateur est-il prêt à payer? Donc on a hâte de voir combien en moyenne les gens vont être prêts à payer pour le nouvel album de Radiohead. Mais moi j'ai l'impression que les gens ont comme espèce de d'étalons de mesure, si on peut dire, le prix qu'ils payaient déjà pour un album. Fait que je pense qu'il faut juste mettre le même prix. Tu crois? En tout cas, ben, sensiblement. Ou diviser en deux. Question d'en avoir plus pour leur argent, non? Ben non, parce que peut-être qu'ils vont se dire, ben gars, c'est un groupe que j'ai racheté l'album de toute façon, puis là, je vais pas me sentir cheap de leur donner juste la moitié que je leur aurais donnée. Fait que moi, je pense qu'ils vont donner peut-être un petit peu moins, mais je pense pas qu'ils vont mettre plus, ça c'est certain. Mm-hmm. Mais je pense pas qu'ils vont mettre non plus 3$ pour un album. Ouais. Mais je pense que ça dépend des gens, ça dépend comment les gens pensent. Il y en a qui vont se dire, bon ben je paye pour rien dans le fond, si j'achète pas le coffret, je paye pour de l'air, des MP3, donc je vais mettre moins d'argent. Il y en a qui vont dire, ben, je vais encourager le groupe, donc je vais donner même montant. Donc ils vont dire, je veux tellement les encourager puis qu'ils continuent de faire ça que je vais leur donner le double du prix peut-être. Donc ça dépend de la psychologie des gens, je pense. Ouais. Je pense qu'en moyenne, ça va... S'il y en a qui vont donner moins, d'autres qui vont donner plus, vraiment, ça va revenir un peu au même. T'as sûrement raison. C'est vrai, ça. C'est ma prédiction. On verra. 2 ans après le rachat de Skype, on parlait de Skype, elle et moi, justement, tantôt, Caroline et moi, pendant la pause, pour le montant record donc de 2,6 milliards de dollars, le groupe eBay a décidé de faire le ménage au sein de ce spécialiste de la téléphonie par Internet. Donc, la première mesure est managériale, puisque eBay a décidé de se passer des services de Niklas Zennström, le cofondateur de Skype, qui abandonne son fauteuil de PDG au profit de celui de président non exécutif. Il va être temporairement remplacé par le directeur stratégique de eBay, Michael Van Swage. Donc, sur le plan financier, c'est que eBay avait payé trop cher, selon eux, pour Skype. Donc, eBay a annoncé avoir versé 375 millions d'euros aux actionnaires de Skype afin de régler ses obligations futures, tout en provisionnant une charge de 630 millions d'euros sous forme de dépréciation d'actifs. Donc, ça veut vraiment dire que ça a coûté trop cher, l'enfant. Donc, la somme de 375 millions d'euros est donc loin des 1,2 milliard d'euros que eBay était prête à offrir sous forme de primes additionnelles. Malgré un nombre d'utilisateurs quand même élevé de 220 millions d'internautes et un chiffre d'affaires en forte hausse à 90 millions de dollars ce trimestre, Skype est encore loin de justifier la somme astronomique versée par eBay pour son acquisition. Ces mesures semblent en tout cas avoir séduit les marchés financiers puisque le cours de l'action d'eBay gagnait 1,65% en cours de journée à la Bourse de New York. L'article date du 2 octobre. Dans le domaine des MP3 maintenant, Bell Canada tente de pénétrer le marché de la musique en ligne en offrant des pièces sans restriction de DRM à partir de 99 cents à sa boutique de musique Sympatico MSN. Un autre joueur dans le monde des MP3, on n'a pas assez. Non, jamais assez. La nouvelle boutique offre environ 500 000 chansons provenant en grande partie du répertoire du géant britannique EMI. On peut penser aux Beatles ou à Coldplay, mais également d'Interscope comme Feist, dont la pièce 1-2-3-4 joue environ 10 minutes à la télé dans les annonces d'iPod Nano, dit l'article de branchez-vous.com. Et de Musicor, on peut penser à Marie-Mé. Hein? Oh! Hein, on entendrait aussi tantôt. Moi, je serais tellement heureuse, là! En tant que chef, la plupart, pardon, des titres vont se vendre 1,19$, certains vont se vendre 99 cents. En tant que chef de file des fournisseurs de sites Internet, de services Internet et des portails en ligne au Canada, Bell continue de bâtir et d'offrir le plus robuste portefeuille de divertissement en ligne, disent-ils. Le principal avantage de la boutique par rapport aux concurrents, c'est qu'il n'y aura pas de DRM. Par contre, le désavantage, c'est que plusieurs téléphones cellulaires ne peuvent pas lire les fichiers protégés par DRM. Donc, dans le fond, c'est un avantage. Plusieurs téléphones ne peuvent pas lire les fichiers protégés par DRM. Voilà. Les fichiers protégés par DRM ne peuvent également être lus que sur 5 appareils en tout. Et plusieurs albums sont toutefois plus dispendieux chez le magasin Bell que son concurrent iTunes. Le nouvel album, il donne l'exemple de Bruce Springsteen. Son album se vend 12$ sur Bell et 10$ sur Apple iTunes. La boutique de Bell vise principalement les propriétaires de cellulaires MP3 utilisant son réseau, mais est également ouvert à n'importe qui. Voilà. Est-ce que tu achèterais des MP3 en ligne de toute façon? Si j'étais plus légal, plus conscientisé peut-être. Mais de toute façon, c'est rare que je download de la musique. Ouais. À la base, là, c'est rare. suis pas une découvreuse de musique. À part ici, c'est fou que de toute façon, j'ai comme plein de musique dans mes oreilles, pour utiliser le slogan. Mm-hmm. Donc, non, je suis pas une téléchargeuse sur Internet, vraiment. En fait, j'utilise que celle que mon copain télécharge pour lui, alors je les prends pour moi aussi. Ben moi, je pense que je commence à être de l'avis qu'il y a beaucoup trop de sources où aller chercher des MP3 légalement de ces temps-ci. Je sais que c'est con à dire, là, mais iTunes est là depuis tellement longtemps, il fonctionne tellement bien. Moi, je suis pour la compétition, c'est certain, parce que la compétition amène des prix plus bas, etc. etc. Mm-hmm. Mais je sais pas si belle, c'est une si bonne idée de leur part. Pas sûr. On va voir avec le temps. Il n'y a pas de façon belle. De savoir. C'est quand même belle. Donc, je pense pas que ça va que ça leur planterait dessus non plus. Je pense pas que c'est une si mauvaise idée. Mais il y a tellement de réseaux qui sont venus et qui sont morts avec le temps depuis les dernières années. C'est des échecs après échecs pour la plupart des réseaux. Donc, voyons si Bell va changer cette habitude-là des compagnies de mourir après quelques temps. Enfin bon. Et puis, dernière petite nouvelle pour ce bloc. Selon un récent sondage de la maison Ipsos Reid, 4 Canadiens sur 10 auraient déjà visité un réseau social sur Internet et 3 internautes Canadiens sur 10 auraient une page personnelle dans l'un des réseaux populaires, que ce soit Facebook, MySpace, MSN Spaces ou un autre service de réseautage. Les internautes Canadiens seraient branchés en moyenne plus de 5 heures par semaine dans ces lieux virtuels, dit l'article de Radio-Canada.ca. Imaginez, 5 heures par semaine sur Facebook et les autres. C'est beaucoup là quand tu les additionnes. Et la plupart sont passés au travail en plus. Fait que... Ben, 5 heures par semaine, bon, si tu passes peut-être une heure à mettre à jour la tienne, mm-hmm. puis bon, pour ça que tu vas visiter celle de tes amis, pour ça que tu prennes, puisque tu n'as rien à faire, fait que tu vas voir d'autres gens que tu connais pas, ben, mm-hmm. ça passe vite 5 heures. Oui, c'est clair que c'est 5 heures de non-productivité. Mais ah, absolument, quand même, absolument. C'est fun. Au Canada, 65% des internautes qui utilisent ce type de service pour faire du réseautage utilisent Facebook. Imaginez, 65. En moyenne, les utilisateurs de Facebook passent 5,9 heures par semaine sur le réseau. Ensuite, Classmate décroche la seconde place du palmarès du réseautage, site que j'ai jamais utilisé, avec 20% d'utilisateurs. Suivi de MySpace avec 15% et Windows Live Spaces avec 13% des utilisateurs canadiens. Plus les internautes sont jeunes, plus ils utilisent ce type de réseau, dit l'article. Plus de 63% des internautes canadiens âgés de 18 à 34 ans ont visité ce type de réseau et 55% ont leur page à eux. Donc, si vous voulez consulter les résultats, l'article s'appelle « Chez nous, c'est Facebook ». Sur le unechance.com, bien sûr. Bien sûr, voilà qui fait le tour des nouvelles informatiques pour cette semaine. Regardons un petit peu le top des mots les plus recherchés, en fait, ceux qui ont gagné le plus de terrain pour la date qui est aujourd'hui, en direct, le 8 octobre 2007. Donc, top 5. Allons-y dans l'ordre. La cinquième position, c'est Post Office Holidays. Donc, les dates de congé pour le bureau de poste local. Hein? Bon. Mm-hmm. Ensuite, en quatrième, en rapport avec ça, c'est Columbus Day, parce qu'aujourd'hui, ça a beau être l'action de grâce au Québec, c'est bien ça. Ouais. Ouais. Aux États-Unis, c'est Columbus Day, donc c'est aussi congé. Mm-hmm. Voilà. En troisième position, c'est RottenNeighbor.com, un site où les gens peuvent se plaindre au sujet de leurs mauvais voisins. Et ensuite, ah, les gens bon. Peuvent magasiner pour trouver un endroit où les voisins sont pas si mauvais que ça. Ensuite, en deuxième position, c'est Tara Fowler, qui est une femme de 36 ans qui a marié l'animateur de talk show Montel Williams. Voilà, super bon. Et en première position, c'est Rotten Neighbor, mais sans le .com. Donc, les gens cherchent vraiment beaucoup de mauvais voisins de ces temps-ci. Contrairement au Québec, où les gens cherchent toujours les mêmes trucs. Donc, si tu veux bien m'aider à deviner... Ah oui! Le 5, tu devineras sûrement jamais. C'est la première fois qu'il arrive dans le top 5, en tout cas, je crois, cette année. Pour vrai? Ouais, c'est une émission de télé. Une émission de télé, tout le monde en parle. Non, c'est plus grand public que ça. C'est moins intelligent double. Un petit peu. Voilà, Occupation double. En quatrième position, c'est stable, c'est l'Auto-Québec. OK. En troisième, ça descend, donc c'était en haut avant. L'Impact. Oui! En deuxième, c'est une remontée. Accéder. Non, courriel. Ah, Hotmail. Oui, en première position, c'est stable, vous le savez tous. Horoscope. Ah, ben oui, hein, toujours. C'est la deuxième fois que j'oublie au coin d'une rue que tu t'enfuis, que je deviens laid. Les saisons passent, le monde se tasse. Le peu qui excite attire les rochers de vieux pains confits. Une tranche de vie, un peu petit, que tu gardes en l'air et que tu sens pas. Que tu gardes en l'air et que tu sens pas. Toutes les pelules. Qui tienne au chaud, qui te réveille, qui oublie d'endormir ton cœur, qui oublie d'éteindre les voix qui disent quoi faire. Retour à l'hôpital, on va t'en connexion est présentée par Nico Vidéo et Univers Informatique. Bon retour, c'est La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante. Je m'appelle Caroline Cloutier, la personnage féminine. La personnage, le ouais, personnage beau, hein, féminin. C'est... Le personnage féminin de tous vos jeux vidéo préférés. C'est la princesse qu'on sauve toujours d'ici la fin de l'émission. Ben là, je vous le dis encore. Appelez. Oui. Trouvez-moi un nom. 376-5183. Si vous écoutez en direct le lundi, trouvez-lui un nom de DJ, de personnage. Appelez-nous au 819-376-5183 pendant qu'on écoute une pièce du palmarès anglophone de C'est fou. Voici Stars avec Bitches in Tokyo au 89.fm. I failed you, but I'm still in your blood. You're still in my long fade du monde, la pièce de Star qui s'appelle Bitches in Tokyo. Leur album, c'est In Our Bedroom After the War. Vous écoutez l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. À C'est fou 89.fm, ça s'appelle La Connexion. Voilà, maintenant c'est l'heure du fil jeux vidéo. Oh oui! Oh oui! Je vais recevoir en fin de compte Caroline. On se disait ça comme ça. Quand l'ordinateur est là. Donc, fil jeux vidéo, regardons un petit peu les nouvelles qui ont marqué le monde vidéoludique cette semaine. Pourquoi pas? Si vous aviez de... En fait, je regarde ça. On a l'air super, super préparé. C'est le fil technologique qu'on va faire, en fin de compte. Parce qu'on a des nouvelles qui sont vraiment fascinantes. C'est vrai. Donc, si vous aviez de la difficulté à vous retrouver dans le monde des téléviseurs, voici une nouvelle qui vous découragera peut-être malgré l'amélioration qu'elle représente, dit l'article de Canoë. La compagnie Sony annonce qu'elle lancera sur le marché dès le mois de décembre un tout nouveau téléviseur doté de la technologie OLED, Organic Light Emitting Diode. Cette technologie d'affichage lumineux est déjà utilisée sur des produits qui ont une durée de vie limitée, par exemple les écrans de téléphone cellulaire, d'appareils photo numériques, de baladeurs, etc. Mais ce sera une première dans le monde des télés. La caractéristique principale de cette technologie est qu'elle permet de produire des écrans ultra plats de 3 mm d'épaisseur. 3 mm? Millimètres. C'est comme une feuille de papier. Pas littéralement, mais presque. Mais presque? Oh oui, presque. Presque. 3 mm, c'est quand même assez comme ça. C'est vraiment... Mais non, c'est quasiment... Non. Bon. C'est une feuille de gros carton. De gros carton, voilà. Donc, c'est ça. Bon, l'article dit quand même à peine plus épais qu'une feuille de papier. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus épais qu'une... Ouais, mais c'est ça. Non, mais gars, c'est comme ça, un là. Un méchant de feuille de papier. Hey, une feuille de gros carton, c'est gros comme un bon. Côté de la pochette d'un CD, tiens. D'accord. Depuis, le taux de contraste annoncé dépasse tout ce qui existe 1 million pour 1. Quant à la clarté de l'image, Sony affirme que ce téléviseur dépasse tout ce qui existe actuellement. Mais le nouvel appareil, le XEL trait d'union 1, n'a pas que des qualités. Son prix est de 1740$ pour un écran de 11 pouces. Le même prix que pour un écran à cristaux liquides de 40 pouces. On dit d'ailleurs qu'à ce prix-là, Sony perd de l'argent pour chaque appareil vendu. Et de plus, sa durée de vie n'est que de 30 000 heures, soit la moitié de celle d'un appareil à cristaux liquides. La compagnie fait le pari qu'à long terme, cette nouvelle technologie supplantera les écrans ACL. Les nouveaux téléviseurs vont faire leur apparition dès le mois de décembre au Japon. L'entreprise n'a pas annoncé de calendrier d'exportation outre-mer. Les téléviseurs constituent un marché global évalué à 82 milliards de dollars, dit l'article. Un scientifique allemand croit avoir trouvé la solution au problème du ronflement. Il s'agit d'un oreiller high-tech qui modifie le positionnement de la tête du ronfleur jusqu'à ce que le bruit cesse. Oui. Dariush... si ça marche, c'est cool. Ben voilà qu'il va devenir riche. Ouais. Dariush Bazargani de l'université Rostock a présenté son invention cette semaine dans le cadre d'un congrès sur la santé en Allemagne. Le principe est simple. L'oreiller est rattaché à un ordinateur de la grosseur d'un livre qui repose sur la table de chevet tout en analysant les bruits émis par le ronfleur. Selon les résultats, l'ordinateur augmente ou réduit des compartiments d'air situés à l'intérieur de l'oreiller. Ces changements dans la forme de l'oreiller permettent, semble-t-il, au dormeur de mieux respirer par le nez et de minimiser le ronflement. L'oreiller en question peut être utilisé également pour des massages du cou. Monsieur Bazargani affirme que plusieurs grandes compagnies américaines se sont montrées intéressées par son invention. Et je cite, « J'ai inventé cet oreiller parce que je ronfle. J'ai essayé toutes sortes de moyens pour arrêter de ronfler, mais rien ne fonctionne. J'espère que mon invention permettra aux gens de mieux dormir. » Combien tu penses que ça pourrait coûter? Ah, d'après moi, plusieurs centaines pour commencer. Ouais, hein? L'article vient de Canoë d'après Reuter, mais disons que pour les ronfleurs, là, c'est un beau petit, rêve. Ça avait l'air utopique avant d'arrêter de ronfler. De ronfler sans voir une opération chirurgicale. Mais que peut-on faire avec la technologie aujourd'hui? Hein? Ah, tout! Des millions de choses, des millions. Un groupe de recherche va être mis sur pied au Japon pour développer une technologie optique qui va remplacer l'Internet Protocol. À titre de standard global des communications, selon un article dans un quotidien japonais. Le groupe sera formé au mois de novembre par l'Institut national de l'information et des technologies de communication et par des compagnies privées. L'objectif sera de développer et de commercialiser pour 2015 environ un réseau capable de transmettre les données à la vitesse ahurissante de 10 gigaoctets par seconde, soit 10 fois plus rapidement que l'actuel réseau japonais de nouvelle génération, dont les débuts sont prévus d'ici la fin de l'année. Le groupe va recevoir l'appui de compagnies telles que Nippon Telegraph, Fujitsu, KDDI, Toshiba et NEC. Quelques 30 milliards de yens, 257 millions de dollars canadiens vont être consacrés à ce projet de recherche au cours des 5 prochaines années. Des projets semblables sont en cours aux États-Unis et en Europe. Le réseau permettrait à pas moins de 100 milliards d'appareils d'y avoir accès simultanément et de jouir de vitesses extrêmement rapides pour la transmission de données. La technologie permettrait également d'offrir un accès sans fil haute vitesse stable, même sur des trains évoluant à très grande vitesse. Internet extrêmement rapide. 220 000 $ de fille. La fille, tantôt, à 220 000 $ Ouais. Imagine combien elle devrait payer par chanson. Tu sais, ça allait aussi vite que ça, tu t'en télécharges des chansons, là. Mais non? Elle devrait ça des milliards. Ouais. Milliards. Milliards de dollars. Voilà. Tiens, nouvelle, est-ce que tu joues de la musique? Ben, j'en jouais avant. Qu'est-ce que tu jouais? La guitare. Ah! Quel hasard, Tata! Ouais, c'est un hasard, ça tombe bien. Ça tombe drôlement bien parce que Gibson va offrir Power Tune, un système permettant à ses guitares de s'accorder automatiquement. Les puristes vont être fâchés d'entendre ça. Évidemment, de nombreux puristes, dit l'article. Wow, j'ai comme un petit peu prédit un petit peu l'avenir de l'article. Donc, de nombreux puristes vont s'opposer à cette nouveauté, jugeant qu'un bon joueur devrait maîtriser l'art d'accorder sa propre guitare. Soit, dit l'article, ceux qui ont un peu moins de principes et qui se laisseront tenter par le nouveau système de Gibson n'auront toutefois qu'à tirer un bouton pour que leur guitare s'accorde automatiquement en quelques secondes, dit l'article de branchezvous.com. Un avantage particulièrement intéressant du Power Tune est qu'il est possible de préconfigurer différentes façons d'accorder sa guitare. Les joueurs vont pouvoir donc passer d'une chanson des Rolling Stones à une de Weezer sans avoir à raccorder manuellement toutes leurs cordes. Le système Power Tune a été développé au cours des 10 dernières années par un ingénieur allemand, Chris Adams, et sa compagnie Tronicle. Adams, lui-même guitariste, s'était dit à l'époque que s'il était possible d'aller sur la Lune, c'était sûrement possible de faire une guitare qui s'accorde toute seule. C'est en effet possible, mais les guitaristes tannés d'accorder leur guitare devront toutefois débourser 900$ pour le Power Tune de Gibson. Ça va sûrement descendre. De toute façon. Ouais. Gibson n'est pas le premier à s'aventurer dans les guitares qui s'accordent automatiquement. Une compagnie américaine, Trans Performance, installe de tels systèmes sur des guitares électriques prix de 3 000 $ depuis plusieurs années. Pour en savoir plus sur les détails techniques et sur le fonctionnement du Power Tune, allez voir l'article de Technology Review via l'article de Branchez-vous qui s'appelle Une guitare Gibson qui s'accorde elle-même. Et c'est où ça? Sur lunechance.com? Oui! Ah! C'est vrai! Une nouvelle encore un petit peu déprimante concernant les États-Unis. Les États-Unis, de ces temps-ci, sont un petit peu... pas de ces temps-ci, en général, sont ouverts à toute poursuite pour n'importe quelle raison bidon, n'est-ce pas? Ben, en fait, c'est fait du scandale gratuit. En fait, non, tout sauf gratuit, mais gratuit à entendre. C'est ça. Aux États-Unis, donc, c'est bien connu, on peut poursuivre n'importe qui pour n'importe quoi, dit l'article. Dernier exemple, une femme de New York qui poursuit la compagnie Apple pour avoir réduit le prix de son iPhone de 200 $, montant de la poursuite 1 million de dollars en dommages. Oh! La femme en question, Dong Mei Li, allègue qu'Apple a agi de façon illégale en réduisant du tiers environ le coût de son appareil iPhone 8 Gig de 599 à 399, 2 mois seulement après son lancement. Cette annonce d'Apple est survenue le 5 septembre dernier. Dans le même communiqué, la compagnie annonçait que le iPhone 4 Gig qui coûtait 500 $ ne serait plus disponible. Et puis le lendemain, Apple présentait ses excuses à ceux et celles qui avaient acheté l'appareil au gros prix en offrant un remboursement de 200 $ quand même pour les achats faits au cours des 2 semaines précédentes et un crédit de 100 $ dans une boutique Apple pour les autres, ce qui était très généreux de la part d'Apple, on s'entend. Oui, quand même. Oui. Bon. Selon la plaignante, la baisse de prix est discriminatoire à son endroit. Puisque, théoriquement, elle ne pourrait pas revendre son appareil avec le même profit que celui des gens qui auraient acheté l'appareil après la baisse de prix. De plus, puisque son appareil était le modèle 4 Go à 500 $, elle prétend que l'offre d'Apple était moins alléchante que pour l'autre appareil. La plainte touche également la compagnie AT&T qui oblige les acheteurs à signer un contrat de 2 ans, une politique considérée injuste et contraire à l'éthique en matière de commerce. Apple et AT&T n'ont pas voulu commenter. Est-ce que c'est juste moi? Il me semble que quand tu achètes l'appareil à son plein prix au départ, c'est que tu es un early, tu sais. Bon, hein, ça veut dire que tu veux être fier d'avoir acheté l'appareil en premier. Oui, c'est, donc, c'est pour te vanter un peu. Un acquisiteur précoce. Là, oui, c'est ça, hâtif, précoce. Ouais, j'aime ça. J'aime ça. Donc, c'est ton problème. Ça me semble que c'est ton problème. Si tu l'achètes à plein prix, puis qu'après ça, le prix baisse, c'est juste normal. C'est le marché, ça marche comme ça. Et les prix baissent avec le temps. C'est juste normal. Oui, c'est comme si tu achètes un écran télé, justement, à 3 mm, qui coûte hyper cher. C'est ça. Et pour ça, ben, dans genre 10 ans, il va être moins cher. Ben, regarde, c'est à toi assumer ton choix aussi, là. Exactement, c'est ça. Tous les produits se vendent plus cher au départ et baissent de prix plus tard. C'est juste comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Faut arrêter de s'en faire avec des choses aussi stupides. Eh, mais il y a du monde qui aime ça faire de la magouille. Hein? De la magouille. Il y a des gens qui veulent se faire de l'argent, mais oui. C'est ça. Oui. C'est le même. C'est une autre leçon de vie que ça prend avec le temps, je sais pas. Microsoft, on parlait un petit peu du iPod. Maintenant, revirons ça de bord pour parler de Microsoft et sa Zune. Sa Zune. Microsoft et sa Zune. Microsoft a lancé la semaine dernière la 2e génération de lecteurs MP3 Zune. Moi, je les appelle Zune. C'est Zune, mais quand Zune. Même. Donc le. Mais c'est quand même laid. Quand même pas un beau. Les deux sont laids. Il n'y a aucune façon de virer ça pour que ce soit beau. Là. Zune. Même Zune, c'est même pas beau. Zune. Zune. Zune. Le Zune, nouveau, sera offert en 3 versions. Une avec un disque dur de 80 gigs et 2 avec 8 et 4 gigs de mémoire flash. Un peu comme. Ça ressemble un petit peu au iPod. Le système. Certains avec disque dur, certains avec mémoire flash. Parmi les nouveautés, la Zune 2.0 est plus mince que l'ancien modèle de 30 gigs. Plusieurs changements ont été apportés au logiciel, facilitant notamment la navigation et la synchronisation sans fil se fait maintenant automatiquement. D'autres changements intéressants viennent de l'aspect social du Zune. Les propriétaires du lecteur Wi-Fi de Microsoft qui ont eu la chance de se rencontrer, parce que pour l'instant, ils ne sont que 1,2 million, dit l'article. Ils ont toujours pu s'échanger des fichiers musicaux, mais ceux-ci avaient une durée de vie limitée. Mais avec la Zune 2.0, les fichiers n'ont pas de date de péremption. Ils ne peuvent toutefois être écoutés que 3 fois. Donc, ils n'ont pas de date, mais vous avez quand même juste 3 fois pour l'écouter. Enfin bon. Microsoft va lancer également le site web Zune Social qui permettra de faire connaître ses goûts et de rencontrer d'autres propriétaires de Zune avec les mêmes goûts musicaux, un peu comme Last.fm ou d'autres sites de recommandations musicales. Côté prix, la Zune s'apparente au iPod avec des prix autour de 150 $ pour le lecteur de 4 gigs et 250 pour celui de 80 gigs. Donc imaginez, vous multipliez par combien? Par 20? 4 fois 20? Égale 80? Oui. C'est ça. Donc, vous multipliez par 20 le nombre de gigs pour seulement à peu près 100 $ de plus. Donc, tu sais. Hein? Le nouveau lecteur devrait être disponible aux États-Unis en novembre prochain, juste à temps pour la période des fêtes. Aucune annonce n'a été faite pour le Canada, qui avait également été mis de côté par Microsoft lors du lancement de la Zune 1.0. Voilà. Et puis, tiens, pour terminer ce petit bloc bien mignon, regardons le palmarès des recherches Yahoo Québec. D'accord. Pour faire différent. Mais oui. Yahoo Québec vient de faire parvenir le palmarès des recherches en matière de gadgets techno, de jeux vidéo pour console, PC et en ligne, et finalement les requêtes de, au sujet des logiciels téléchargeables les plus recherchés par les internautes québécois. Voilà. Donc, le buzz qu'ils appellent. Top 10 gadgets et techno, on retrouve iPod en 5e, Philips en 4e, DVD Players en 3e, iPod Nano en 2e et DVD Shrink est en première position, c'est vrai. Ensuite, si on regarde le top 10 des jeux vidéo et des jeux en ligne, pourquoi ne pas faire ça à l'instant même? En 5e position, c'est BungieNet. En 4e, AddictingGames.com. En 3e, MotoGP. En 2e, c'est Call of Duty. Et en première position des jeux vidéo et jeux en ligne, c'est Halo 3. Donc, Halo 3 et Bungie, ça fait quand même 2 sur 5. Et voilà. Et voilà. Top 10 des logiciels téléchargeables. En 5e position, c'est Java. Sûrement parce qu'on est obligé de télécharger Java pour bien des logiciels. En 4e, c'est Skype. En 3e, c'est UFC. En 2e, c'est OpenOffice. Et en première, c'est SAP. Et j'ai l'air stupide, mais SAP, j'ai aucune idée ce que c'est. Je cherche un petit peu. SAP, logiciel. Je ne trouve pas, mais c'est pas grave. Je vais chercher un petit peu. On va voir plus tard. Mais pour l'instant, par contre, c'est l'heure de continuer notre série en concert parce que vous savez, depuis des mois de ça, là, on vous fait entendre une musique de jeux vidéo. On est en plein cœur d'une série qui s'appelle Relics of the Shouzo, a Super Metroid Musical Collaboration, parce que vous savez que Metroid Prime 3 Corruption est sorti récemment. Vrai? Oui, vrai. Vrai. Vrai. Donc, on écoute de la musique du vieux jeu. Au mois de septembre. C'est vrai. La musique du jeu de Super Nintendo, Super Metroid. Hein? Mm-hmm. On s'en va entendre un artiste qui s'appelle Protricity. La pièce, c'est Vast Inner Depths of Brinstar. Et puis, on s'en va entendre ça maintenant à la connexion. Restez là parce que c'est les nouvelles de Radio-Canada qui nous suivent et on revient après. À tantôt. À tantôt. On vous aime. connexion est présentée par Nico Vidéo et Univers Informatique. Bonjour, c'est la deuxième heure de La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Et je m'appelle Caroline Cloutier, Daisy, Zelda, Peach, Cortana, Princess Toadstool. Ouais, voilà. Ouais. Ça fait le tour. Ça fait le tour à Youpi. Chaque semaine. Avant de passer en musique, petit article rapide sur Feist, parce que les publicités d'Apple pour son nouveau iPod Nano donnent un sérieux coup de pouce à la chanteuse canadienne Feist. Oui. L'article de branchez-vous.com. La présence dans ses pubs de la chanson 1-2-3-4 intrigue les internautes qui font ensuite des recherches pour savoir qui en est l'interprète. Avant l'arrivée des publicités d'Apple, les ventes de l'album The Reminder à chaque semaine, l'album qui est paru en mai 2007, tournait autour de 6000 par semaine, tandis que celle de la chanson était de 2000 selon Nielsen SoundScan. Et bien, depuis l'arrivée des publicités, on indique 73 000 exemplaires numériques de la chanson qui ont été achetés en une semaine, alors que les ventes de l'album ont triplé pour atteindre 19 000. Au total, les ventes américaines de The Reminder dépassent maintenant les 235 000 exemplaires. Donc, bon coup de pouce de la part de Apple. Et la voici tout de suite, cette pièce Feist de leur album The Reminder. Voici 1-2-3-4 à la connexion à C'est fou 89.1. La radio campus de Trois-Rivières. Oh, la seule et unique dans vos oreilles. 1-2-3-4, tell me that you love me more. Sleepless long nights, that's what my youth was for. Oh, teenage hopes are right at your door. Left you with nothing, but they want some more. Oh, oh, oh, you're changing your heart. Oh, oh, you know who you are. Sweetheart, bitter heart, now I can't tell you apart. Close. Put the horse before the cart. Those teenage hopes who have tears in their eyes, too scared to run after one little lie. Oh, oh, you're changing your heart. Oh, oh, you know who you are. 1-2-3-4-5-6-9-10. Money can't buy you back the love that you had then. Avec 1-2-3-4 de l'album The Reminder, c'est la pièce qu'on entend dans les pubs d'iPod Nano. Ouais. Ouais, qui passe assez régulièrement. Avec son joli habit bleu, flash moulant et pétillant. Belle petite danse, c'est le fun. Maintenant, c'est l'heure du fil jeux vidéo. Parlons des nouvelles vidéos ludiques pour vrai cette fois-ci. Il semblerait que toutes les compagnies de jeux vidéo n'aient pas un grand sens de l'humour, dit l'article de Hardgamers.com. Et selon l'entrevue publiée sur le site Computer and Video Games, donc, en effet, ce dernier a pu s'entretenir avec le designer en chef du jeu The Simpsons Game, Greg Rizzer, qui a avoué que certaines scènes du jeu ont dû être retirées après des protestations de quelques firmes, dont Rockstar Games. ceux qui font Grand Theft Auto. Donc, Electronic Arts s'est vu dans l'obligation de supprimer des séquences qui furent démontrées dans certains vidéos du jeu en vue, notamment de ne pas brusquer Rockstar Games. Rockstar n'aurait pas du tout apprécié la séquence du jeu qui parodiait Grand Theft Auto, où des personnages des Simpsons combattent des robots Itchy et Scratchy. Et je cite, « J'ai toujours eu l'impression que lorsque vous faites une parodie, il s'agit d'un signe de respect. Si nous nous amusons par rapport à Grand Theft Auto, nous n'affecterons pas les ventes de Grand Theft Auto. Hein, » vrai. Mais oui, nous avons reçu certains commentaires et nous avons dû supprimer du contenu du jeu, selon c'est ce qu'a déclaré Razer. « C'est correct pour moi, c'est correct de savoir selon moi que l'industrie attend pour un jeu. C'est correct de savoir selon moi que l'industrie attend pour un jeu comme celui-là. Ce fut trop long depuis que nous en avons eu un, et bien sûr, il y a les Simpsons qui sont le véhicule parfait afin de s'amuser au départ de l'industrie du jeu. » Razer a poursuivi en déclarant qu'il ne sait pas qui chez Rockstar a forcé Electronic Arts à supprimer des séquences du jeu, mais qu'il doute que ce soit un concepteur au sein de la firme. Selon lui, un avocat pourrait être derrière tout ça. Néanmoins, ce ne sont pas les studios qui ont mal réagi face aux nombreuses parodies de The Simpsons Game. En effet, Harmonix a fort bien accueilli la parodie du jeu Guitar Hero qui se présente dans The Simpsons Game. Et je cite, je ne sais pas si vous avez vu Sitar Hero. Sitar Hero est le nom de la parodie. C'est ce que demande le gars. Nous avons créé Apu qui joue avec cette manette de 60 boutons sur des chansons comme... c'est donc bien compliqué cet article-là. Comme Pour Some Curry On Me. Nous avons créé cette superbe affiche de parodie et les gens chez Harmonix l'ont adoré. Nous leur avons envoyé 20 copies de l'affiche. Ils l'ont tout simplement adoré. Donc ça dépend des compagnies. Lesquelles ont le sens de l'humour, lesquelles l'ont un peu moins. C'est pas nécessairement les concepteurs, mais plus leurs avocats. Ah bon? Propriétés d'accord. intellectuelles. Mm-hmm. Voilà. Suite à de nombreuses rumeurs, Microsoft a confirmé que Bungie Studios se détachera d'elle afin de devenir progressivement un développeur indépendant. Ouais. Toutefois, Microsoft va conserver une part des actions du studio et le partenariat entre les deux firmes se poursuivra dans le futur, notamment au niveau de la franchise Halo ainsi que le futur titre de Bungie. Et je cite, « Notre collaboration avec Bungie s'est conclue par le fait que Halo est devenu un hit perpétuel et de grande envergure. » C'est ce qu'a déclaré le vice-président de Microsoft Game Studios. « Bien que nous supportons le désir de Bungie de retourner à ses racines indépendantes, nous continuerons à investir dans notre propriété de Halo avec Bungie et d'autres partenaires, dont Peter Jackson, sur une nouvelle série interactive prenant place dans l'univers de Halo. Nous regardons de l'avant afin d'avoir beaucoup de succès avec Bungie, alors que notre partenariat à long terme continuera à évoluer à travers des titres reliés à Halo ainsi que de nouvelles propriétés créées par Bungie. » Un autre jeu populaire qui a fait quelque chose de spécial, alors que la fête de la bière bat son plein en ce moment même à Munich, dit l'article écrit jeudi dernier. Les joueurs de World of Warcraft pourront eux aussi vider quelques chopines sans souffrir des effets secondaires, comme en témoignent ces quelques captures communiquées cette semaine par Blizzard. En effet, de multiples activités seront proposées aux quatre coins d'Azeroth tout au long de ce festival alcoolisé. La liste de ces dernières est d'ores et déjà disponible sur le site officiel du jeu, qui se retrouve au wow-europe.com. Pour une fois que l'abus d'alcool n'est pas dangereux pour la santé, dit l'article de Clubic.com. Donc, on célèbre le Oktoberfest dans World of Warcraft. Xbox Canada a annoncé le lancement de deux nouvelles couleurs de manettes pour la Xbox 360, nouvelle très superficielle d'ArtGamers.com. Donc deux nouvelles manettes, à savoir le rose et le bleu. Ces deux nouvelles couleurs se joindront au noir ainsi qu'au blanc, qui n'étaient que les deux seuls tons offerts pour les manettes de la console de Microsoft jusqu'à présent. Les nouvelles couleurs de la manette de la Xbox 360 sont dès maintenant disponibles pour 60$ chacune. Wow, une belle manette de couleurs. Une manette rose. Hein? Ouais, pour les petites filles, mais quoi oui. que je doute que ce soit les petites filles qui ont le plus de Xbox 360. Peut-être que ça va être une raison de n'acheter une. Sony Computer ouais. Non, peut-être pas. Non, pas vraiment. Sony Computer Entertainment of America a annoncé qu'elle va faire revivre le PlayStation The Official Magazine en ayant conclu une entente avec Future US, qui a récemment mis la main sur le magazine Nintendo Power, c'est vrai, et qui publie également l'Official Xbox Magazine. Donc, ils vont en avoir une pour chaque console. Future US supervisera la vente ainsi que le contenu du magazine officiel des consoles de Sony. Rob Smith, qui a occupé le poste de rédacteur en chef du magazine, occupera de nouveau ses fonctions pour le PlayStation The Official Magazine. Vous retrouverez au sein de ce dernier des articles de toutes sortes, vous plongeant au cœur du monde de la PlayStation. La première édition du magazine sera lancée vers la fin novembre à 300 000 exemplaires. Il va s'agir d'une édition spéciale pour le temps des fêtes. Future US a déjà annoncé que 13 numéros du magazine seront lancés par année, soit probablement une édition par mois et une édition spéciale pour le temps des fêtes. L'article est de ArtGamers.com. Le président de Nintendo of America, tu le connais, tu l'aimes. Tellement joli, non? Reggie Fils-Aimé. Oui, Reggie. C'est un excellent orateur. Qu'il est rempli de maniérisme et de franc-parler. Oui, puis il a l'air fin. C'est vrai qu'il a l'air fin, il est aimé. C'est un fils aimé. Ah, ah. Donc, il a récemment déclaré que sa compagnie approvisionnerait plus que jamais les détaillants de consoles Wii cet automne. Or, Fils Aimé est quelque peu revenu sur sa déclaration au cours d'une entrevue avec le San Jose Mercury News, stipulant que plusieurs jeunes risquent de se retrouver main vide à Noël s'ils désirent une Wii. Au cours de cet entretien, Fils Aimé a avoué sans gêne que Nintendo ne fournit pas à la demande et que cette situation ne sera vraisemblablement pas corrigée pour Noël 2007. Nous travaillons très fort pour s'assurer que les consommateurs soient satisfaits pour le temps des fêtes, mais je ne peux pas garantir que nous satisferons à la demande. En fait, je peux vous dire que nous n'y arriverons pas. Quant à savoir ce qui cause ce problème de pénurie chez Nintendo depuis près d'un an maintenant, Fils Aimé a tenu les propos suivants, et je cite, « Le problème est que nous avons entrepris une campagne agressive, mais la demande est substantiellement plus élevée. L'habilité d'augmenter la production et de la maintenir n'est pas un interrupteur avec lequel vous pouvez jouer. » Donc, c'est pas un bouton que tu mets en off pour continuer de faire d'autres consoles. Ah. C'est tellement populaire. Ouais. La campagne marketing fonctionne très, très, très, très bien. Ouais, ben en fait, je pense qu'il y a encore l'attrait de la nouveauté, même après un an. Puis bon, tout le monde qui en veut depuis un an, ils ont toujours pas réussi à en avoir un. Ils en veulent toujours un. Donc, c'est sûr que la demande est toujours là parce que tout le monde veut encore avoir celle qu'ils veulent depuis un an. Mmh. C'est tellement novateur comme concept que même après un an, c'est encore très populaire. Je vous invite à la maison pour jouer avec la mienne. Ah ouais, OK. Ça s'applique-tu à moi, ça aussi? Ouais. À moi. Ah oui, tu viendras. Si vous vous êtes réveillé ce matin, Caroline, est-ce que tu t'es réveillé ce matin et que ta Wii était connectée sur Internet 24h sur 24, peut-être que tu as remarqué que la lumière bleue de la console était allumée. L'article date de mardi dernier. Nintendo annonce un programme qui permet de commander des Wii Remote Jacket. C'est un genre de condom de silicone durable qui vise à sécuriser les joueurs un peu trop excités qui ont tendance à lâcher leur manette ou à la lancer. Cette étude de protection pourrait éviter des malchances fâchantes, comme une télévision brisée. On se rappelle, il y a un an, à la sortie de la console, télés étaient brisées à coup sûr. À noter qu'à partir du 15 octobre, les Wii environ le 15 octobre, les Wii Remote Jackets seront offertes dans chaque nouvelle Wii. Donc, chaque nouvelle Wiimote aura sa protection. Et dans chaque copie de Wii Play aussi. Donc, avec la console, avec une nouvelle Wiimote que vous achetez individuellement et avec Wii Play. Ceux qui ont déjà la console et qui se sentent insécures peuvent se procurer les études de protection en se rendant sur Wii.com ou sur Nintendo.com au 1-866-431-8367. L'article est sur lunchance.com si Mais vous voulez les infos. J'ai une meilleure idée. Oui. Pourquoi ne pas juste mettre le petit bracelet de sécurité puis pas jouer à s'amuser à lancer la manette partout? Ben, moi, au moins, je sais pas, j'ai joué des heures à Wii Tennis et à Wii Golf et j'ai jamais lancé ma manette. Là, je comprends pas comment est-ce qu'on peut l'échapper quand on met le petit bracelet autour de son poignet. Je comprends pas. Vrai. Mais c'est à l'avantage aussi que si par malchance, t'oublies de mettre ta petite bande pour une fois, tu sais, ça ne dérangera pas parce qu'il est protégé de toute façon. Donc, tu oublies de mettre ta petite languette ou tu la mettes pas. C'est protégé de tous les côtés. Il me semble que c'est encore une couche de plus de sécurité. Ouais. Mais ça protège pas la télé. Ben, on peut. Le caoutchouc pourrait absorber le choc un peu, je pense. Dur à dire. Ouf. Tu le testeras quand tu achèteras une nouvelle manette. Ben, on en a déjà deux. Je vois pas l'intérêt d'en acheter une troisième. Mais non, peut-être que si un jour je défonce une télé, j'irai acheter le petit coussin de caoutchouc, le condom en silicone pour mettre après ma Wiimote. La nouvelle a fait le tour du monde pour finir dans les colonnes de CVG, qui a trouvé très surprenant qu'un magazine belge, qui n'est pas nommé dans l'article, ait publié en toute discrétion un test en exclusivité mondiale d'une seule page de Super Mario Galaxy, le gros blockbuster à venir sur la Nintendo Wii. Un test fort bref qui se conclut par la note de 92% et qui fait fatalement du bruit, dit l'article de jeuxvideo.com, au point que Nintendo a dû rassurer un peu son monde en garantissant qu'aucune version du jeu n'avait été livrée à qui que ce soit et que le test en question n'en est pas un. Donc, voisins belges, dit l'article, nous vous invitons donc à prendre garde. Un faux test de Super Mario Galaxy. Alliance Numérique UC a dévoilé cette semaine la programmation du 4e Sommet international du jeu de Montréal qui va se tenir les 27 et 28 novembre au Palais des congrès de Montréal. Parmi les conférenciers présents qui viennent partager leur expertise et leur savoir-faire, on peut mentionner Yoshiaki Koizumi, qui est scénariste chez Nintendo. Scénariste chez Nintendo, il a participé à Zelda. Tu connais Zelda? Bien sûr que je connais Zelda. Steven Gilmore, le directeur de l'animation et de la cinématique chez BioWare. Michael Kelbo, qui est président de Retro Studios, qui a travaillé sur Metroid Prime. Et David Perry, vétéran et maintenant consultant pour l'industrie du jeu vidéo. Si vous voulez voir la programmation complète, c'est l'article 4e Sommet international du jeu de Montréal sur le www.unechance.com. Alors que le film Gears of War est en préparation, la question habituelle est sur toutes les lèvres des fans, dit jeuxvideo.com. Qui sera choisi pour le rôle principal? Qui incarnera Marcus sur grand écran? Cliffy B, qui est l'une des têtes pensantes du jeu, il a son avis sur la question. Parmi tous les gros bras régulièrement suggérés par les joueurs, The Rock serait le seul à pouvoir porter le film, selon lui. Comme dit dans l'entrevue accordée à Game Daily, ça veut pas dire que The Rock va être dans le film, mais simplement que Cliffy B le verrait bien au casting, pourquoi pas. Donc, Gears of War. Et finalement, article qui, moi, je le trouve intéressant. Octobre 1977, il y a 30 ans, la vénérable Atari 2600 sortait des usines pour envahir le marché. Hein, c'est certes pas la toute première console de jeu de salon, mais elle fut la première à proposer un système de cartouches interchangeables et a surtout marqué le véritable envoi d'un tout nouveau marché. La VCS 2600 a aujourd'hui 30 ans. Aujourd'hui étant en octobre... c'est quelle date, ça? Le 10. Pardon, non, le 2. Le 2 octobre. Ouais. Ah. 2 octobre. Le 2 octobre. La semaine dernière. Le VCS 2600 a 30 ans. On lui souhaite un joyeux anniversaire, dit l'article, et on en profite pour vous rappeler la lecture de notre dossier sur la grande histoire des machines de jeu. Allez voir l'article Histoire des machines de jeu, c'est très intéressant, sur lejeuxvideo.com en passant par le www.unechance.com. Voilà, c'est la fin des nouvelles jeux vidéo. On en a eu beaucoup cette semaine. Regardons les jeux les plus loués cette semaine dans les superclubs Vidéotron. Ça vous va? Cinquième position, on retrouve sur PlayStation 2 Stuntman Ignition. En quatrième, c'est sur la Wii, Metroid Prime 3 Corruption. En troisième, c'est NHL 08 sur la PlayStation 2. En deuxième, c'est le même jeu sur la Xbox 360. Et en première position, devinons tous ensemble, mais quel est, selon vous, ce jeu si grandiose? Hello. Qu'est-ce que c'est? Hello. Hello. Hello. Hello, Moto. C'est bien Halo 3 sur la Xbox 360. Bien sûr. On bien continue sûr. Notre série sur Super Metroid. Hein, pourquoi pas? Cette série qui a un nom des plus longs, Relics of the Shouzo, a Super Metroid Musical Collaboration. Voici Protricity et A Change in a Passing à la connexion à C'est Fou 89.1 FM. Oui! City avec A Change and a Passing, Shouzo Torian de la série Relics of the Shouzo, a Super Metroid Musical Collaboration. Si vous voulez télécharger cette série, allez voir le smproject.ocremix.org. Avant de passer à la pub, voici notre quiz musical de la semaine. Vous devez nommer le jeu suivant. Toujours difficile, ça, hein? Assez difficile, mais je suis certaine que certains d'entre vous le sauront. Au moins une personne devrait savoir ça. Ben oui. On vous laisse le temps d'y penser un peu. Donner comme indice que c'est sur Nintendo 64. Ah, ouais. Au moins cet indice-là. Ouais. C'est difficile quand même, mais c'est midi, donc les sons sont pas super bons. Encore quelques secondes. Un autre indice. Oh, vas-y. Ça commence par un S. Oh, un S. OK. Pas plus que ça, sinon ça va être trop. Non. La réponse au retour à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Où ça? Assez fou, 89.1 FM. Avant la pause, on vous a demandé de nommer le jeu duquel est tirée cette célèbre pièce d'ouverture. On laisse encore quelques secondes pour y penser. Les gens qui ont deviné Star Fox 64 sur la Nintendo 64, bravo! Oh, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment, vraiment fort. La connexion est présentée par Nico Vidéo et Univers Informatique. Bonjour, c'est la dernière demi-heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante. Je m'appelle Caroline Cloutier. Je ne vous énumérerai pas tous mes surnoms de jeux vidéo. Ça va faire. Ouais. On se tanne. On est tanné, hein? Ouais, un peu. Ben, hein? Choisissons-le tout de suite, là. Moi, je t'appelle Peach à partir de maintenant. Ah, OK, parfait. Peach. Ça te va-tu? Ouais, OK. Je trouve ça beau comme nom. T'as l'air d'une Peach. T'as pas l'air d'une pêche, excuse-moi, t'as pas l'air d'une pêche physiquement. Ben, en fait, une pêche, c'est mieux qu'une poire. Une poire? Une poire, c'est pas chic. Mais excuse-moi, j'ai-tu dit pêche? Ouais. Ben, pêche. Peach, pêche? Ouais, c'est ça que j'ai dit, mais j'ai dit une pêche, c'est mieux qu'une poire. Ah, c'est mieux qu'une poire, ben oui, ouais, c'est sûr. Ben, une pêche. Une pêche, c'est doux. Ouais. Ben, voilà, je suis douce. Mais c'est velu un peu, fait que. Ah non, ouais. Ouais, non, c'est pas bon, je pense pas. Non, moi, je. Non, je. Non. Non. Non, plus, non. Au retour, on parle des nouveautés en magasin. Dépensez un peu avec nous tantôt. I know I was out of line. You were way out of your mind. Wrapped up in my reverie. Causing all this misery. But here. Go, babe, hell no. Hell no. de Sondre Lerche, accompagné de Regina Spektor. Ça vient de la trame sonore du film Dan in Real Life, music by Sondre Lerche. Un nouveau film avec Steve Carell. Ça a l'air vraiment très, très bon. Ouais, ben en fait, je suis pas surprise, mais je viens de voir un lien parce que j'ai vu sur MSN que tu écoutais ça hier. Oui, c'est vrai. Donc là, je fais comme « Ah ah, c'est pour ça qu'il fait jouer ça, parce qu'il l'écoutait hier. » Absolument, j'ai vraiment aimé l'album. C'est Sondre Lerche, on l'a eu sur notre palmarès anglophone il y a un moment. Et j'aime bien ce qu'il fait, et le film a l'air bon, et la musique a l'air bonne. J'ai bien hâte de voir. Et Steve Carell est bon aussi. Steve Carell est génial. Donc, le film s'appelle Dan in Real Life. Maintenant, c'est l'heure de parler des nouveautés en magasin cette semaine. Les sorties d'automne arrivent et rgamers.com dit que les amateurs de football auront droit à quelque chose de très, très intéressant. D'accord. On commence d'ailleurs par les multiplateformes et le premier jeu, c'est FIFA Soccer 08 sur DS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii et Xbox 360. Assez polyvalent. Hein? Ceux qui ont toutes les consoles, gâtez-vous avec un choix sur ouais. Les 14. Ensuite, Thrillville Off the Rails sur DS et PSP. Ensuite, The Orange Box sur PC et Xbox 360. Sega Rally Revo sur le PC, PS3, PSP et Xbox 360. Juiced 2 Hot Import Nights sur PS3 et PSP. Et finalement, Looney Tunes Acme Arsenal sur PS2, Wii et Xbox 360. Sur DS, Looney Tunes Duck Amok. Master Jinjin's IQ Challenge, un autre jeu de quotient intellectuel. Touch Detective 2.5. Kuropoto Cool Cool Stars. Bleach The Blade of Fate. The Cheetah Girls Pop Star Sensations. Arctic Tail. Flipper Critters et finalement Ollie Hobby and Friends. Sur PC, The Chosen, Nancy Drew Legend of Crystal Skull, Tips, Tricks and Trips Aircraft Collection, Adrenaline Rush Hour, Agatha Christie Evil Under the Sun, Portal, Team Fortress 2, Half-Life 2 Episode 2 et Neverwinter Nights 2 Mask of the Betrayer. D'accord. C'est voilà, il fait tour. Il fait tour pour le PC. Ouais, ben c'est ça, c'est quand même assez exhaustif comme liste. C'est volumineux. Ouais. Sur PlayStation 2, World Championship Paintball et puis Mountain Bike Adrenaline. Sur PlayStation 3, Folklore est la seule sortie. Sur PSP, Star Wars Battlefront Renegade Squadron, NBA 08 et Final Fantasy Tactics The War of the Lions, qui va être très très populaire, j'en suis certain. Et finalement, sur la Nintendo Wii, Bleach Shattered Blade, un jeu que j'attendais depuis longtemps, que j'ai très très hâte d'essayer, Donkey Kong Barrel Blast. Oui, certainement. Mm. Ben, en fait, un jeu que je vais sûrement louer. Il y a beaucoup de jeux que je suis... que je suis dû pour louer. Hein. Ouais. Ça va être quelque chose, je pense. Ça a l'air très très bon, c'est un jeu de course avec les personnages de Donkey Kong. Ouais. Et ensuite, Rock'n'Roll Adventures et finalement Disney Princess Enchanted Journey. Sur le PlayStation Store cette semaine, le PlayStation Store nord-américain propose deux démos, un jeu complet ainsi que les traditionnelles bandes annonces et autres vidéos. Donc, le jeu complet cette semaine, c'est Go Sports Ski, un simulateur de ski jouable au Six Axis et proposé au prix de $3.50. Le Six Axis, c'est que vous allez pouvoir contrôler avec votre manette en la penchant de différents côtés. Du côté des démos, il y a The Simpsons et puis Blade Storms The 100 Years War, en plus de deux tutoriels didacticiens et puis d'autres vidéos, voilà. Sur Xbox Live Arcade, un seul jeu va être présenté cette semaine et c'est pas Puzzle Quest, dit l'article. En effet, plutôt que de proposer ce jeu, Microsoft va plutôt lancer Tetris Splash, question de vous faire patienter pour le fameux Puzzle Quest. Donc, proposant toujours le style classique de la franchise Tetris, Tetris Splash offrira également de nouvelles façons de jouer à ce jeu à travers trois modes, soit Tetris, T-Spin et Combo. Donc, si vous voulez voir les explications, c'est dans l'article. Et sur la Virtual Console cette semaine, deux titres qui raviront les fans de Mario. Hein? Donc, dès maintenant, vous allez pouvoir vous procurer le jeu Super Mario Bros. The Lost Levels, qui est Mario 2 japonais. Oui. Qui est basé sur le même moteur que Mario 1, mm-hmm. mais que nous connaissons en Amérique sous le nom de Lost Levels. Ouais. C'est vrai ça. Et puis Sin and Punishment sur son service de distribution pour la Wii. Super Mario Bros. The Lost Levels, la version japonaise, comme on dit, de Mario Bros. 2, qui a été lancée en Amérique du Nord que dans la compilation Super Mario All-Stars. Et je crois que dans cette version-là, vous allez pouvoir, je sais pas si je dis la vérité, mais la version originale de Lost Levels, parce que la version qu'on a eue dans All-Stars, c'était la version avec les décors modifiés Super Nintendo-esque. Je sais pas si tu te rappelles de Mario All-Stars. Ouais. Tous les jeux avaient été modifiés visuellement pour un nouveau public avec la Super Nintendo. Ben, en fait, je m'en rappelle, mais j'étais pas vieille. Hein. Non, c'est ça. Mais non. Les arbres étaient plus ronds, les nuages étaient tous mignons, il y avait des dégradés dans le ciel, en tout cas. Donc, je crois que dans ce cas-ci, ça va être la version originale, mais je ne suis pas certain. Voilà donc pour la console, pour la Virtual Console. Alors qu'il y a quelques petites brèves, en annonçant un délai pour Unreal Tournament 3, le président de Midway avait aussi quelques bonnes nouvelles. Il a confirmé que plusieurs suites étaient en développement dans les studios qu'il dirige. Donc dans la prochaine année, les joueurs vont pouvoir s'attendre à un nouveau Mortal Kombat. malade. Un autre Blitz et une suite à NBA Ballers. Midway promet aussi que d'autres jeux seront dévoilés dans un futur approché et la plupart des plateformes seront couvertes. Maintenant, regardons les jeux les plus vendus au Japon. Mais commençons par les consoles. En cinquième position, on retrouve la PlayStation 2. En quatrième, c'est la PlayStation 3. En troisième, la Nintendo Wii. En deuxième, la DS Lite. Et en première, c'est encore une fois la PSP Slim qui est la plus vendue. Ça va très, très bien, on le dit à chaque semaine, mais c'est fort. C'est fort. C'est une domination Sony, hein, ces temps-ci. Absolument. Qui a détrôné un peu Nintendo, qui avait quand même été au top assez longtemps. Ah ouais, Japon, c'est le pays de Nintendo. Ensuite, tiens, regardons les jeux les plus vendus pour la semaine du 24 au 30 septembre selon Media Create via gpara.com. En cinquième position des jeux, on retrouve Pokémon, Donjon Mystère, Équipe d'Expédition Ténèbres sur la DS. Ah, oh, ça me fait toujours rire. En quatrième, c'est Tamagotchi Collection Corner Shop 3 sur la DS. En troisième, c'est Crisis Core Fantasme Final 7 sur la PSP. En deuxième, Pokémon Donjon Mystère Équipe d'Expédition Temps sur la DS. Et en première, c'est Halo 3 sur la Xbox 360 avec 59 000 exemplaires. En fait, c'est la première semaine du jeu du 24 au 30 septembre dans ce palmarès. Voilà donc pour ces nouveautés en magasin et pour les disques, les albums les plus vendus, pardon. Est-ce que j'ai dit albums et disques? Ouais. Jeux. Oui. Et console. Voilà. Voyelle. Console. Vous écoutez la connexion. C'est fou 89.1. FM. La radio campus de Trois-Rivières. Autant vous dire n'importe quoi que dire ce que vous savez déjà. Autant se faire vider. Faut perdre quelques savants. Alinéa de la formation El Motor, c'est sur les palmarès francophones de C'est fou cette semaine. Maintenant, parlons de gadgets. Go, go, gadget ta mère. Yahoo! Gadget ton chapeau. Go, go, gadget ton poing. Qui c'est qui l'élastique au gadget? Comment à chaque semaine j'aime parler de gadgets qui ont rapport avec les horloges, avec le temps. C'est tout ça le fun des gadgets comme ça. Ben c'est correct. C'est vrai. Donc cette semaine, la Doing Time Clock qui met la vie en perspective un peu, ça fait pénitencier. Ça vient de Josh Owens qui utilise les marques que les prisonniers utilisent en prison. C'est 1, 2, 3 et jusqu'à 5 où tu mets la petite barre sur les 4 barres que tu as fait. Ça fait un 5, ouais. Bon, etc., etc. Donc c'est une horloge avec ces barres-là dessus à la place. Je trouve ça drôle. Hein? Bonne façon de passer le temps. Hein? Pourquoi pas? Josh Owens, ça vient de Coolest Gadgets. Non? Pas très impressionné non, par ben ça? Non, ben non. Pas vraiment, non. OK, OK. Tiens, suivant. C'est un appui poignet pour portable ou ordinateur en forme de pain baguette. OK. Est-ce que t'es plus intéressé? Ben, ça sert à quoi? Ben, c'est juste plus. Pour faire beau. Okay. C'est une baguette de pain. Ben, c'est en forme de baguette de pain sans aucune miette dans votre clavier. Donc, je sais pas. C'est juste cool. Ça coûte 20$. Et ça va très bien avec un autre gadget qui avait été mentionné sur ce site-là la semaine dernière, un foulard en forme de bacon. C'est très bien. Bon, OK. Donc, c'est ouais. What on Earth. C'est le magasin via Pop à Gadget. Ensuite, tiens, une très, très bonne idée pour les gens qui s'enfargent dans leur fil d'écouteurs sur leur portable. Ça arrive tout le temps. Bon, t'es en train de rocker un peu, là, tu sais, rock, face un peu, genre. Mm-hmm. En tout cas, du face. Puis là, ben, tu t'accroches dans ton fil. Dans ce cas-ci, à la place, c'est une prise. Ça s'appelle le Replug. Il est un adaptateur qui va entre vos écouteurs et la prise audio. Donc, ça fit dans n'importe quelle prise. Tu mets ça là-dedans, ça dépasse à peine de quelques millimètres de ta prise d'écouteur. C'est fait en genre de métal ou peu importe. Et puis, ton fil d'écouteur, lui, a un aimant. Clink! Il vient s'attacher à ça, à la place. Donc, tu laisses tout le temps le petit adaptateur dans ta prise et ton fil se branche d'un coup sec. Comme ça, puis quand tu tires dessus, clink, ça enlève l'aimant. Non? C'est du génie, non? Non, okay. Ouais, mais ça peut quand même l'enlever même si tu tires dessus. Non, c'est ça, c'est les mains n'est pas si fort que ça non plus, ça. OK. Puis dans le fond, ça fait juste tenir après l'adaptateur, puis quand tu tires sur le fil, clink, ça s'enlève d'un coup sec. Tandis que si tu avais une prise d'écouteur dans ta ouais. prise, là, il faut vraiment que tu forces plus pour l'enlever. OK. T'sais, ça pourrait peut-être défaire ta prise ou je sais pas trop. OK. Voilà. Donc, c'est le Replug via ngadget.com. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. Le prix n'est pas encore dit, mais c'est probablement super pas cher. Voilà. C'est quand même, on s'entend que c'est juste un aimant avec un fil. Trois lampes. En fait, on voit sur la photo trois lampes en forme de champignons de Mario. Hein? Ça, c'est cool. Donc, ouais. ça fonctionne avec deux LED, des LED, des deux LED blancs à l'intérieur. Ils sont allumés et éteints simplement en appuyant sur le dessus du champignon. Ça, c'est génial. Oh, c'est super mignon. Ils sont aussi sans fil. Demandent seulement 4 piles 2A, ce qui devrait durer très, très longtemps. Voilà. Donc, brando.com.hk qui les vend en rouge, en bleu et en vert. Donc, rouge pour grandir, vert pour donner une vie, bleu. Bleu, c'est le rapetissé dans Super Mario, The New Super Mario Brothers sur voilà. DS, c'est vrai. Donc, c'est pour 12$ chacun. T'as raison, bleu, c'est vrai. Il y en a un mauve aussi qui est le méchant champignon dans Lost Levels dont on parlait tantôt. Ouais. Les champignons mauves, faut pas les prendre ceux-là. Non. C'est une grosse surprise dans le jeu. C'est les méchants champignons. Caroline, tout aussi. Oui, c'est moi. T'as oui. toujours voulu, toi, je suis sûr, avoir une clé USB qui fonctionne aussi comme briquet. Je suis sûr ah, que ben oui. Ah, oui, je fume tellement. Ben oui, voilà. Donc, c'est le même light, d'accord? Donc, le même light, c'est dans le fond un briquet remplissable avec un lecteur flash en bas. Donc, ce que vous allez faire, c'est littéralement prendre la clé et la brancher. C'est, on voit la clé qui est à part, donc j'imagine qu'elle rentre à l'intérieur du briquet. Donc c'est très très cool. Le même light peut être commandé sur leur site web en 6 différentes couleurs et ça vient de 512 MB pour environ 25$ à 4GB pour environ 75$. Même light via Prelfbear, qui est le site Prelfbear, qui a mentionné ce gadget-là, memelight.com. Ensuite, t'as sûrement un iPod, t'as un lecteur MP3, toi? Non. Non, pas de lecteur MP3. Et non. Un jour, quand t'auras un iPod, tu pourras te garnir, te gâter avec un dock pour iPod. Tu sais, pour recharger ton iPod, t'as juste ah à le mettre oui, dedans. Ouais. En forme de roche. OK. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? C'est joli, une roche. Ça pèse environ 5,5 livres chaque. Deux versions, le Wabi et le Sabi, avec port USB 2.0 et sortie audio-vidéo pour brancher sur une télé, par exemple. Donc, les iStones, qu'est-ce que ça s'appelle? iStones. C'est disponible sur Brand Incubator, mais le site n'a pas encore d'infos sur les prix. Mais enfin bon, donc ça vient de ogizmo.com. Finalement, tiens, il y a quelques mois, on parlait d'une cravate 8 bits. Hein? C'était une cravate faite en pixels. Donc, quand tu la regardes, on dirait que tu regardes un personnage de jeu vidéo avec des pixels. Tu vois les carrés, d'accord, les gros, gros carrés. Mm-hmm. Et c'était très. En fait, ça avait été posté comme une blague sur Internet. Et puis, finalement, ThinkGeek ont décidé de faire une vraie cravate 8 bits. Donc, voilà, si vous voulez vous la procurer, c'est sur thinkgeek.com. Exactement comme Mario aurait porté. Pixelisé pour compléter le look 8 bits. Facile à clipper, c'est une clip-on, c'est pas une cravate que t'attaches. 20 pouces de longueur, ça fait pour n'importe quel humain. C'est ce que ça dit. Et c'est fait de polyester microfibre. Magnifique. Donc, ThinkGeek, c'est très, très joli. Et voilà qui fait le tour des gadgets. Regardons rapidement avant de terminer l'émission les jeux qui sont les plus populaires présentement dans les jeux qui sont déjà sortis. Pourquoi pas? En cinquième position, on retrouve Grand Theft Auto San Andreas de Rockstar sur la PlayStation 2, 9.6 de SCA. En quatrième, Enemy Territory Quake Wars d'Activision sur PC avec 8.5. En troisième, c'est World in Conflict de Sierra Entertainment sur PC avec 9.5. En deuxième, c'est The Legend of Zelda Phantom Hourglass de Nintendo sur le DS avec 9.0. Et finalement, tu auras deviné que le jeu le plus populaire qui est disponible maintenant est... Hello! Hello 3 de Microsoft! Hello Moto! Donc ça, c'est selon GameSpot.com. Il nous reste à peine quelques temps pour vous dire que sur le blog de l'émission au unechance.com, j'ai posté deux petits jeux pour le bureau que j'ai trouvé vraiment très, très bien. Okay? Celui dont je vais vous parler, Launchpad Online. C'est, t'as une balle, t'as un trou, tu dois amener la balle au trou, mais en faisant start, la balle va juste tomber. Tu dois utiliser des outils, par exemple des coins, des fans, des piles. Dans le fond, c'est très, très scientifique. Ça vient du Science Museum. Donc, ils vont t'expliquer là-dedans que, disons... l'eau peut être utilisée pour faire chauffer quelque chose qui va mettre de l'électricité dans les autres blocs autour. Là, tu mets un coin, tu fais tomber ta balle, tu testes, ta balle doit se rendre jusqu'au trou. Je me suis rendu quand même au niveau, il y a comme un niveau d'entraînement puis un niveau facile. Le facile, je me suis rendu à peu près à la moitié et je dois vous dire que c'est très, très, très difficile. Mais en même temps, tu te sens très, très bien quand tu arrives. C'est un bon creuse-coco. Exactement, c'est un puzzle comme je les aime. Ça te force à penser. Voilà. rapidement, on n'aura pas beaucoup de temps pour en parler, mais quand même, autour du net, regardons quelques affaires qui se sont passées cette semaine. Cannon Rock par Jerry C. Vidéo d'un gars qui joue de la guitare, très très impressionnant. C'est pas mal tout ce que vous avez à savoir là-dessus. Un gâteau de fête de Wind Waker. Oh, très, très, très, très j'en veux un. Hein. J'en veux deux, moi. Ensuite, Zanzibar de Halo, recréé en Lego. Okay, c'est cool. Une vidéo très, très beau à voir. Une vidéo de Halo 3 à la Mario. Donc, dans le jeu Halo 3, ils ont reproduit un petit peu la séquence du premier tableau de Mario. C'est avec cool. La musique dessus et les effets sonores. Sur Flickr, il y a des gens qui ont... Ah, faut vraiment se quitter. Il y a des fétiches de ceintures de sécurité sur Flickr. C'est apparemment la nouvelle mode de poster des photos de filles dans un siège arrière avec une ceinture. Et le dernier, tiens, quand je le mentionne, j'ai pas le choix. Une image, la photo de la fille sur le site unechance.com. Allez cliquer dessus. C'est une fille dessinée à la main. Et ça a l'air d'une photo. À la main. C'est très cool. C'est très, très, très, très, très, très cool. On va aller voir ça sur unechance.com. Absolument, allez-y tout de suite. Il y a un paquet d'autres liens que j'ai postés sur le site pour vous divertir. Un bon après-midi. Merci, Caroline. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi, monsieur. Mais merci à vous à la maison d'avoir écouté où que vous soyez. Moi, je vous retrouve à la chance au coureur et au palmarès, c'est fou. La connexion est en direct le lundi et en rediffusion le jeudi de 11h à 13h. Les informations, les liens et la balado-diffusion sur lunechance.com. Je m'appelle Mathieu Plante. Je suis en train de vous dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Dash.com.